Les vagues rejaillissent en écume si belle contre le roc, mais du destin, comme les beaux maîtresses, portés par toi, où que j'aille, immortel ami. Au-dessus des étoiles, j'oublie mon indigence et mon langage. Je vois la même coupe que mon aimé au calice des fleurs. Sans peur, à force de joie, le divin s'illumine en moi. Je ne connais plus que mon île bienheureuse. C'est le douce lèvre posé sur mon cœur battant, soufflé aimé pénétrant jusqu'à là. Au-dessus des étoiles, j'oublie mon indigence et mon langage. Je bois la même